Soleil est déjà au zénith. On répète qu'on vit dans le péril. Aujourd'hui je vis, demain je meurs. Au milieu je comprends mon esprit. Lumière de tes yeux qui pétillent. La vue de ces hanches qui résistent. Le son de ces mots qui défilent. Les yeux d'un fantôme qui me dévisage. Je suis dans l'habitacle et ma main danse sur la portière. Je préfère les virages pour me rendre compte de la vitesse. J'attends plus de miracles, j'attends de midnight, j'attends l'espèce. Je vois plus les obstacles, c'est des mirages, c'est des mystères. Une fois par mois, je finis par terre sur le sol. Ils me jugent le plafond comme si c'était mal d'être seul. Après, je relève, je rallume Kamel sur le seuil. Jamais je regrette, toujours je regarde dans le ciel. Tout au fond dans le vaisseau, j'ai mal à la tête. Tourne en rond dans le telo, je repense à ma paye. Je roule à fond dans le Clio 2, je suis face à mes peines. Ça soigne pas du Kenzo, ça soigne pas du L. Je sais pas trop quoi, trop quoi, trop quoi. Qui fait que j'oublie pas ses yeux, ses doigts. Qui me colle au regard, regard, regard. Je suis sur le rivage et ma main tremble sur la bouteille. Je revis nos histoires pour me rendre compte de là où je saigne. J'oublie les images, pas la passion, pas l'essentiel. Je retourne au virage pour me rendre compte de là où je vais. Une fois par mois, je finis par terre sur le sol. Ils me jugent le plafond comme si c'était mal d'être seul. Après, je relève, je rallume Kamel sur le seuil. Jamais je regrette, toujours je regarde dans le ciel. Tout au fond dans le vaisseau, j'ai mal à la tête. Tourne en rond dans le telo, je repense à ma paye. Je roule à fond dans le Clio 2, je suis face à mes peines. Ça soigne pas du Kenzo, ça soigne pas du L. Je sais pas trop quoi, trop quoi, trop quoi. Qui fait que j'oublie pas ses yeux, ses doigts, qui me colorent.